Magic Histoire, le podcast du comité d'histoire régionale de la région Grand Est. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la conférence « Les mondes souterrains à la Renaissance » avec l'historienne Caroline Callard dans le cadre de l'édition 2024 du festival Les Imaginales. Va se coupler avec des écrits savants sur le sous-sol qui vont prendre en charge cette réalité souterraine et vont bouleverser un imaginaire précédent. L'imaginaire dont j'entends parler ici, il faut l'entendre dans son sens assez littéral d'image. Hein. Et je parlerai, c'est pour ça que... On s'escrimait sur le PowerPoint, mais c'est parce que je voulais présenter pas mal d'images, hein, c'est-à-dire des projections mentales, des projections iconographiques qui témoignent de ces bouleversements qui, à leur tour, produisent des bouleversements dans l'imaginaire des individus. Cette mutation, c'est donc à la fois une transformation qualitative, mais aussi une transformation quantitative, hein, parce que dans la mesure où il se diffuse. Alors, si on veut revenir un petit peu à ce qui existait à la période médiévale, quel était l'imaginaire, les représentations du sous-sol qui existaient au cours du Moyen-Âge chrétien et qui avaient cours, c'est bien entendu les représentations infernales. Ici, je vous avais donné un exemple parmi des milliers dans l'Humiliure, hein, emprunté à un manuscrit de Saint-Augustin, où on voit une dispute théologique qui se passe sur une sorte de pré et dessous une sorte de bouche infernale. Hein, croyez-moi, on voit juste le mufle et puis des petites âmes qui subissent les peines du purgatoire entre des flamèches blanches, hein, et qui attendent que la dispute ait lieu, et au-dessus la scène céleste. Donc on voit dans cette représentation du sous-sol, une représentation du sous-sol comme lieu d'un monde infernal, une pure projection imaginaire où le sous-sol n'est pas véritablement un lieu, hein. C'est la métaphore de l'animalité dévorante qui est ici représentée, où se joue le destin des damnés ou bien des âmes qui purgent leur peine de purgatoire. Donc ça, c'est une représentation qu'on va trouver très fréquemment entre le XIIe et le XIIIe siècle. Ça change un peu au XIVe siècle. Et là, je m'appuie sur les recherches de mon collègue Guillaume Bachet. Ça change un petit peu au XIVe siècle, puisque l'enfer commence à apparaître véritablement comme un lieu, et un lieu souterrain. Vous voyez dans ce missel à l'usage d'Évreux, de la fin, on est vraiment dans la Renaissance, hein, fin XVe, début XVIe siècle. Là, vous voyez ces espèces de bosses, ça représente des montagnes. Vous voyez un gibet un petit peu sur la gauche, hein, donc ceux qui ont été les criminels qui ont été punis par la justice des hommes vont connaître dans l'au-delà des peines qui ressemblent aux peines infernales, hein, mais qui sont des peines qui ne sont pas spécifiées, mais ça peut être aussi un purgatoire. Donc on a ici une représentation de l'enfer, mais dans son lien topographique, dans le lien topographique qu'il entretient avec la croûte terrestre et l'univers temporel. Au fond, ce purgatoire ou ce monde infernal purgatif, il est à la fois proche, puisqu'on voit bien quelle est l'articulation qu'il a avec le monde terrestre, mais il est aussi distant, hein, dans la mesure où il est séparé de celui-ci. Et cette espèce d'équilibre du proche et du distant est vraiment typique de cette période qui précède le XVIe siècle. Le XVIe siècle, au contraire, serait plutôt caractérisé par un moment, enfin, en tout cas caractérisé par une sorte de pluralisation, hein. C'est comme si on était à la suite de ce moment d'équilibre entre le dessus et le dessous, succédait une pluralisation de représentation de l'inframonde. Alors, j'en ai mis quelques-uns que vous connaissez évidemment, qui sont très célèbres. Par exemple, le purgatoire de Jérôme Bosch dans le Jardin des Délices, où là, vous voyez un espace où vous avez une autonomisation totale de l'enfer purgatif. Hein, on ne voit plus du tout la membrane qui le relie au monde du dessus, hein, contrairement au paradis que vous avez sur la gauche et à la scène centrale que vous avez et qui sont commandés par une perspective cavalière tous les deux. En revanche, le monde infernal est complètement autonomisé, hein, dans l'espace du triptyque. L'espace qui s'organise dans ce panneau est désagrégé, il n'y a pas de profondeur de champ. Les divisions sont strictement narratives, hein, à chaque vice, sa punition. Et puis, ce sentiment de coupure, hein, est renforcé par la scène de clôture, puisque lorsque vous fermez les battants, vous avez cette très très belle représentation en grisaille de la création, hein, avec, vous ne le voyez peut-être pas, mais vous me croyez sur parole, en haut à gauche, le créateur tout petit, dans une petite bulle, qui contemple sa création. Et donc, lui, dans cette bulle, le monde est représenté, en tout cas la Terre est représentée comme un disque qui flotte entre deux hémisphères. Celui du dessous apparaît liquide, mais aussi trouble, opaque, inquiétant. C'est une des inventions du sous-sol renaissant. Vous en avez d'autres, beaucoup plus, encore plus étonnantes du point de vue de la, ou qui vont très très loin dans la théâtralisation au fond de cet espace souterrain, avec ce panneau de Carlo Portelli, le Christ en croix, qui est aussi une allégorie de l'Église militante, dans lequel est représenté une sorte d'enfer de carton-pâte, hein, puisque dans cette scène allégorique, vous avez la croix qui repose sur un sous-sol, un souterrain qui est en réalité maçonné, artificiel. Hein, sous la croix figure un humanoïde verdâtre, qui est certainement donc Satan, enchaîné par la croix. Et de part et d'autre de cette structure maçonnée, vous avez des niches où se trouvent les damnés. Ce qui est intéressant, ce sont les trappes qui existent de part et d'autre et qui font ressembler cette représentation à une scène de théâtre. Hein, et on a des représentations des mystères religieux qui étaient des représentations extrêmement fréquentes à la Renaissance et au Moyen-Âge, qui représentaient des scènes théologiques. Et donc ici, Carlo Portelli a fait ce choix de représenter le souterrain au fond comme un espace théâtral. Donc on le voit, la Renaissance va hériter au fond du Moyen-Âge des représentations pétries de spiritualité, pétries de réflexion théologique, même ils sont au seuil d'une explosion de représentations possibles. Mais ce qu'il faut souligner également, c'est que parallèlement à ces représentations religieuses, vous aviez un début de représentation de scènes d'exploitation, de scènes minières, mais qui jamais ne représentaient l'extraction comme quelque chose de souterrain. Et ça souligne quelque chose, à savoir l'invisibilité des représentations naturelles du sous-sol au XVIe siècle, enfin, ou au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, soit vous avez un souterrain infernal, soit vous avez rien. Vous n'avez pas de représentation naturaliste. Puisque même les lieux où devrait y avoir des représentations, il pourrait y avoir des représentations naturalistes, à savoir les représentations d'extraction minière. Jamais on ne pénètre sous la terre. Tout ce qu'on trouve, et là vous avez ici un des ouvrages dans lesquels on va retrouver trouver les premières formes d'extraction minière, à savoir les encyclopédies. Et là vous avez une encyclopédie de la fin du XVe siècle qui représente l'extraction donc, des métaux. Eh bien, c'est une sorte de creusement à ciel ouvert, hein, où sont détaillés surtout les métaux. Ici, vous avez les deux formes d'extraction, ou en tout cas de récupération des métaux précieux, l'extraction avec la pioche ou l'orpaillage. Hein, ces deux personnages qui sont dans une rivière sont en train de filtrer la rivière. Vous avez le même type de représentation dans l'autre type de livres où on va trouver des scènes d'extraction, à savoir les livres des simples, c'est-à-dire les livres à vocation médicinale. Il y a quand même un type de livre, à la Renaissance, au cours de la Renaissance italienne, si vous voulez, dans lequel on va trouver une autre présence de la mine d'or, qui n'est ni religieuse, ni naturaliste, ou en tout cas ni médicinale ou encyclopédique, ce sont dans des ouvrages de nature morale, en particulier les illustrations, enfin, les enluminures de ce manuscrit de Pétrarque, qui est une sorte de best-seller au XIVe siècle et qui va, avec l'imprimerie, devenir encore plus, enfin, se diffuser avec encore plus de force. C'est ce livre qui s'appelle « Des remèdes de l'une et l'autre fortune ». C'est une sorte, de manuel de comportement pour les individus selon qu'ils rencontrent une grande chance, une grande fortune ou un grand malheur. C'est d'inspiration un peu stoïcienne. En gros, à la fin, il faut toujours se méfier, ou en tout cas rester serein quand on est dans le malheur, et ne pas trop s'exalter quand on a la bonne fortune. Et parmi les exemples de bonne fortune, alors il y en a qui pourront nous paraître assez anodins: avoir de beaux cheveux, avoir une grande famille, avoir de beaux cheveux, non pardon, une belle éloquence, et donc avoir trouvé une mine d'or. Et donc, dans ce cas, la mine d'or devient vraiment la métaphore de la fortune. Et là aussi, vous constatez que c'est une extraction à ciel ouvert. Au fond, tout se passe comme si, au Moyen-Âge, il y avait une sorte de tabou visuel sur le sous-sol. C'est-à-dire qu'il n'y a de sous-sol que spirituel. Tous les lieux où on pourrait trouver du sous-sol, des mines, des galeries, etc., est l'objet d'une sorte de tabou. Et quand je parle de tabou, c'est quelque chose d'extrêmement... qui est explicite. Et c'est explicite depuis l'Antiquité, en particulier depuis les écrits de Pline l'Ancien ou depuis les écrits d'Ovide en particulier, dans lesquels les auteurs latins ont développé cette idée que, au fond, si les métaux précieux sont cachés sous la terre, c'est pour des raisons. Il y a un sens à ça, et ce sens est moral. Ovide parle, en parlant de l'or, il parle d'un métal malsain. Le fer est malsain, mais l'or est encore plus malsain parce que ça excite la cupidité des hommes. Et c'est pour ça qu'ils sont cachés sous le sol dans la nature. Pline l'Ancien va même jusqu'à dire qu'un Senatus consulte romain interdisait que l'on creuse sous la terre romaine. Et ces auteurs sont redécouverts à la Renaissance, et en particulier ces interdictions, ces interdits-là. Et ce sont ces interdits-là qui vont être... qui vont d'abord devoir être balayés par les auteurs humanistes de la Renaissance. Et c'est en particulier le cas de Georg Agricola, le grand, enfin, considéré comme un des inventeurs ou des premiers promoteurs de la géologie, et dans son ouvrage, dans le De Re Metallica. Et dans le De Re Metallica, le De Re Metallica, c'est d'abord un ouvrage de légitimation du travail de la mine. Et pour le légitimer, il commence à s'adresser à Pline. Il commence par réfuter Ovide. Il va dire qu'il est un... Et tous les auteurs chrétiens qui l'ont suivi, Augustin aussi évoque ce caractère douteux d'une chance qui vous tombe dessus, hein, de trouver une mine d'or. Est-ce que c'est véritablement du travail méritant, hein? Et donc Agricola dit qu'il est impie d'insinuer que Dieu a pu créer quoi que ce soit sans raison. Et donc pour lui, les métaux font partie du monde divin, divinement créé, et il va jusqu'à écrire qu'il est légitime de regarder sous la terre. Regarder sous la terre, c'est exactement ce que va proposer son ouvrage, le De Re Metallica, qui est particulièrement connu. Alors, il est publié posthume. Justement, ça va être une entreprise de très longue haleine en 1530. En 1556. Mais c'est un ouvrage de très longue haleine parce que les gravures sont extrêmement nombreuses. Et c'est une des raisons du succès de ce livre qui va proposer d'éloge du travail minier avec des gravures très, très, très précises sur les outils, sur la forme des galeries, sur la façon de délimiter des concessions minières. Et là, je vous ai montré la gravure qui est associée à un mode de prospection typique des minéraux germaniques, comme on les trouve dans les manuscrits, la virgula divina, la baguette divinatoire. Hein, vous voyez ici, le personnage noté A est en train de chercher les métaux grâce à une baguette. Aujourd'hui, on dirait une baguette de sourcier. C'est une technique germanique. D'ailleurs, pour réfuter les auteurs classiques, il va dire que l'extraction des métaux, au fond, est aussi légitime que la capture des poissons. Les poissons aussi sont cachés dans la mer. Et donc, il est légitime de pêcher comme il est légitime d'extraire les métaux. Ça va être repris par d'autres auteurs, notamment l'Italien Vannuccio Biringuccio, qui écrit: les hommes peuvent pénétrer avec les yeux de l'intellect à l'intérieur des montagnes et voir presque exactement où se trouvent les gisements de minerais. Il y a cette idée que l'expertise du mineur, c'est véritablement ça. C'est à la fois traiter le minerai, mais c'est d'abord savoir où il se trouve. Le mineur est quasiment crédité d'un pouvoir de seconde vue. D'ailleurs, en Italie, on voit dans certaines sources le mineur qualifié de « mago degli ori », le mage des métaux. Hein, donc il y a presque une notion de double vue et une valorisation du regard pénétrant de l'expert. Tout ceci donne naissance, et je suis dans les Vosges, donc j'ai tenu à vous montrer, à projeter ces très belles planches que vous connaissez sans doute. Il s'agit de la Rouge Mine de Saint-Nicolas, pas si loin d'ici, donc les 25 dessins à la plume de la Croix aux Mines sur le versant lorrain des Vosges, donc réalisé en 1529 par Heinrich Gross et offert au duc de Lorraine, et qui constitue une représentation de ce qui est alors le plus important revenu du duché. Et donc là, on voit que on a bien une représentation du sous-sol, une coupe transversale du sous-sol, que l'on pourrait qualifier d'avènement du regard technique, ou en tout cas de rupture avec tout ce qu'on a vu précédemment. C'est la première fois que le sous-sol devient effectivement le lieu d'une mise en ordre iconographique. Et ce qui est frappant dans ces magnifiques dessins de Heinrich Gross, c'est que cette coupe transversale, donc, qui propose une vue panoramique des galeries et du front de taille, le front de taille se trouve ici, hein, c'est là où on est encore en train de faire progresser la galerie, c'est qu'au fond, tout rationnelle qu'elle est, et elle a toujours été présentée comme l'exemple même du réalisme iconographique. Mais c'est tout sauf réaliste en réalité. C'est une représentation extraordinairement schématique et idéaliste. D'abord, ce qui est frappant, c'est que c'est un sous-sol lumineux. Hein, c'est blanc. Il y a effectivement des hachures pour représenter les galeries, mais sinon, c'est quelque chose de lumineux. Ça n'est pas sous la terre, d'ailleurs. Le sous-sol occupe toute la page. On ne voit pas la transition avec le dessus. Et puis, au fond, les puits et les galeries se coupent à angle droit. Elles ne suivent pas la sinuosité des galeries qui suivent les filons. Hein. Et si vous avez visité les mines de Sainte-Marie ou de Sainte-Croix, vous savez bien que c'est tout sauf droit. Hein. Donc, une représentation hyper rationnelle, mais pas réaliste du tout, du travail de la mine et des mines. C'est au fond un exposé intelligible des bases, des principes techniques qui sont au fondement de la richesse du duché. Et c'est logique, c'est-à-dire que Heinrich Gross, qui a écrit sous la commande du régisseur des mines d'argent des Vosges, doit montrer que l'investissement considérable du duc dans ces mines, il est bien employé parce que le travail est très bien fait, il est bien organisé, ça fonctionne et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est une version, au fond, assez rare à l'époque. Les plus fréquentes ménagent malgré tout des représentations minières sous la forme de ce qu'on appelle des éclatés, des ouvertures dans la montagne. Et ici, c'est aussi une scène vosgienne, puisqu'il s'agit des représentations de la mine de Sainte-Marie, telle qu'elle est représentée dans la cosmographie de Sébastien Münster. Donc c'est une représentation un peu synthétique, c'est-à-dire qu'on l'a, c'est à la fois quand même la technicité et les galeries sont représentées, mais il y a quand même un environnement plus naturaliste. Hein. Et surtout, c'est pas un souterrain, la mine est dans la montagne. Hein. Autre représentation extrêmement célèbre, cette fois-ci côté Tyrol, le Schwarzer Bergbuch, le livre des mines de Schwarz, qui représente un souterrain, là aussi, assez naturel, assez naturaliste, même trop naturaliste, puisque vous remarquez qu'il y a quasiment du verre partout dans ces représentations de galeries. Hein. Tout est entouré de petits éléments de verdure. C'est tout à fait anthropisé. Hein. C'est occupé par des mineurs dans des couleurs pastels, clair, aéré, hein, et qui relie toujours l'intérieur, ou presque toujours, l'intérieur et l'extérieur, le dedans et le dehors. On voit que dans ce livre qui résonne et qui définit les travaux miniers, eh bien, on conjure aussi l'angoisse et le danger du travail sous terre. Il y a une conjuration du minéral, il y a une conjuration de l'absence de vie, il y a une conjuration de l'absence de lumière. Donc on a un sous-sol qui est devenu humanisé, anthropisé, naturalisé, donc vidé en apparence de ces relents infernaux. C'est tellement vrai que, par exemple, dans cette édition du XVIe siècle de Pétrarque, les fameuses fortunes contraires et favorables, en 1532, on a une représentation qui contredit le texte. Alors que le texte était plutôt à charge pour la découverte de la mine d'or, là, vous avez une gravure qui représente les travaux miniers de manière plutôt positive. C'est-à-dire qu'on voit d'abord, premièrement, une évolution radicale par rapport à la tradition iconographique du corpus enluminé qui n'allait pas sous terre. Donc on va sous terre et on met l'image en contradiction avec le texte. Il n'y a pas du tout de critique ici de la mine. On a une bonne image de l'exploitation minière du début du XVIe siècle. Et même, on pourrait dire que la représentation, l'accent qui est placé sur les petites lumières au-dessus de la tête des mineurs, hein, montre que c'est plutôt les mineurs travaillent dans un espace qui n'est pas un espace obscur, hein, qui est plein de lumière. Donc on n'a pas de représentation de la terreur souterraine, encore moins de l'avidité, juste une représentation raisonnée des différentes étapes du travail minier. Donc est-ce à dire que cet espace anthropisé, naturalisé, a pris complètement la place de l'espace surnaturel des morts? Pas du tout. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que parallèlement à ces représentations, existent et même vont proliférer des représentations du travail minier dans un contexte religieux. Et ici, vous avez une autre enluminure très célèbre, le cantonal de Kutnahora, qui est une des plus grandes villes d'extraction de l'argent, une des mines les plus productives de l'Europe de la fin du XVe siècle, du début du XVIe siècle, dont cette représentation qui est très très grande, hein, c'est presque 60 cm de hauteur, donc c'est une très grande enluminure, parce que c'est cantonal, c'est des livres de chants, donc ça doit être lu à plusieurs, donc on doit pouvoir les voir de loin. Et donc le frontispice de ce cantonal montre le processus d'extraction du minerai, de l'extraction à la vente. Donc le contexte est religieux, c'est un livre de chants religieux qui s'ouvre sur le travail qui est celui de ceux auxquels on s'adresse quand on chante. Hein. On s'adresse aux mineurs et le travail des mineurs de la mine est vraiment représenté. Et la composition elle-même, on vous le voyez, elle est divisée en trois niveaux, avec en bas l'extraction du minerai en sous-sol, au milieu le traitement du minerai et même sa commercialisation, et puis en haut, les villes, le ciel. Et évidemment, hein, il y a ici un jeu visuel sur la tripartition du sous-sol, de la terre et du ciel, hein, de l'enfer, enfin, de la chute de la terre et de la vie après la mort. Et puis les corps humains qui s'enfoncent dans le sol et qui reviennent représentent justement le monde souterrain comme un lieu temporaire d'où l'on revient dans cette vie ou dans la suivante. Je n'avais pas voulu manquer de vous présenter le graduel de Saint-Dié, que vous connaissez aussi, qui là aussi est une façon d'inscrire le travail de la mine dans le temps religieux. Mais surtout, ce qui est fascinant, c'est de voir que donc, le dessous va devenir un espace de rédemption. Enfin, le travail minier, plutôt, tel qu'il est représenté, et tel qu'il représente le dessous, la mine, en quelque sorte, devient en elle-même un espace de rédemption, un espace de purgation et de purification. Et c'est notamment l'objectif d'un ouvrage dans cette région que j'ai mentionné aussi, celle des monts métallifères, l'Erzgebirge germanique, au sud de la Saxe et en Bohême du Nord, qui est l'épicentre de la réforme luthérienne. Vous savez que Luther trouve refuge auprès du duc de Saxe. Et donc, il se trouve qu'il y a une conjonction extraordinaire entre la réforme et le boom argentifère que connaissent les monts métallifères au même moment. Au point que Luther se présente souvent comme un mineur. Il présente le travail de la mine comme le travail d'un bon chrétien. Et ici, vous avez un ouvrage qui le Sarepta de Johann Mathesius, qui, sur plusieurs centaines de pages, propose des sermons miniers dans lesquels la métaphore de la mine est sans cesse rapportée à sa métaphore spirituelle. La mine, c'est une mine spirituelle quasiment par essence. Alors, je terminerai juste en vous montrant que on est en Bohême avec Joachim Stahl, d'où écrit Mathésius. Cette Bohême va être recatholicisée à la fin du XVIe siècle. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en recatholicisant l'espace, on va reconfessionnaliser l'espace de la mine pour en faire un espace catholique. Et j'avais ici, je voulais vous présenter le frontispice de ce livre de Jan Kojinek, un jésuite qui va entreprendre de rédiger l'histoire de la ville minière de Kutná Hora. Et comme Mathésius, il rédige un ouvrage où se mélangent histoire, histoire naturelle, histoire des techniques minières et pastorale religieuse. Et son frontispice donne une traduction visuelle de la métaphore. Et ici, on voit que les mineurs sont des anges. Les anges ont remplacé les mineurs. On n'a pas seulement ici une catholicisation du sous-sol ou une confessionnalisation du sous-sol, on a même ici une angélisation du sous-sol. C'est pour ça que je terminerai justement cette présentation en vous disant qu'on est passé de la mine, enfin, ou en tout cas du sous-sol infernal au sous-sol angélique. Alors, bonjour, merci beaucoup pour l'intervention. Pardon. La première question que j'avais, c'est, on est d'accord qu'il y avait bien un travail de minage déjà au Moyen-Âge, même si ce n'est pas représenté, on a des traces archéologiques. Exactement, oui, tout à fait, pas seulement au Moyen-Âge, depuis l'Antiquité, oui, bien sûr. Mais on n'avait pas de représentation iconographique, effectivement. Et textuelle, on a des traces textuelles de ce travail des mineurs ? On a, alors, tardive, mais si. Alors, il y a quand même le droit minier. Qui ça, oui, le droit minier, les textes de droit on en a dès le XIe siècle, XIe, XIIe siècle, des statuts miniers. Les comptes miniers, c'est un petit peu plus tardif quand même. On parle souvent de la mine de Pampaillé, qui est célèbre pour les comptes extraordinairement fournis, mais c'est tardif, c'est 15e. Mais il y en avait un petit peu avant. Mais quand même, le 16e siècle, c'est vraiment le moment où ça change d'échelle, en fait, l'exploitation. Et notamment dans les mondes germaniques. Et justement, je voulais rebondir dessus, puisque moi, j'ai travaillé en partie sur la famille Ribeaupierre de Ribeauvillé, qui du coup, moi, plutôt sur le 14e, enfin, entre le 13e et le 15e, et dans ces moments-là, on n'a aucune trace de leur travail, de leur propriété minière, mais on sait que par la suite, une grande partie de leur richesse est fondée dessus. Donc ce lien entre les mines d'argent et notamment aussi le protestantisme en Alsace est tout à fait fascinant, et tout aussi fascinant qu'ils viennent aussi de l'autre côté du Saint-Empire, en fait. Oui, ce sont toujours des frontières de catholicité, des frontières religieuses, et ça qui est fascinant, c'est-à-dire le Tyrol, c'est pareil, mais ce sera sur un versant... sur une autre réforme, parce qu'en fait la mine est un opérateur de frontières. C'est vraiment frappant, mais le plus beau, c'est quand même l'exemple effectivement que vous mentionnez, celui de Sainte-Marie, où la frontière passe vraiment entre les deux versants de la rivière. Donc on a une frontière vraiment vraiment très très très fine. Alors, vous savez à quel point c'est étudié, effectivement, à quel point c'est fascinant. Mais alors que dans les monts métallifères, c'est un petit peu moins frappant. Mais quand même, parfois, ils sont là, ils attendent de savoir. Ils ont découvert un filon et des spécialistes sont envoyés. Ils attendent de savoir de quel côté c'est, si c'est côté Bohême ou côté Saxe. Et dernier point sur lequel je voulais aussi rebondir, c'est que vous présentiez en fait, les différents métiers, les différentes gravures. J'avais l'impression que, hormis tout ce qui était symbolique, plutôt au niveau stylistique, couleur, c'est quand même dans la veine des autres métiers, en fait. Comme si le travail de mineur était normalisé au milieu du travail des artisans. Je pense au livre des métiers de Nuremberg, j'ai plus la date en tête, où tout est très normalisé. Je ne sais pas s'il y a les mineurs dedans, mais en tout cas, on est dans ce style graphique-là, en fait. Okay. Normalisation qui ne m'a pas surprise, en tout cas visuellement. Oui. En fait, c'est plutôt ce que les livres de métier, ou en tout cas les mises en art, comme on dit, font au souterrain qui m'intéresse. C'est-à-dire que parce que les représentations des métiers, effectivement, imposent ce code iconographique, au fond, assez, assez, assez terrestre. Eh bien, en fait, ça va avoir des effets sur les représentations du sous-sol. Ça va les désombriser, on va dire. Merci beaucoup. T'en prie. Bonjour. Bonjour. Merci pour le... Je suis venu vers la fin, mais alors vous m'avez devancé quand j'ai vu une représentation de la mine un peu... idéalisé, j'allais dire. Mais tout à fait. Voilà. Alors moi, vu les conditions des mineurs, notamment au 19e et même au 20e siècle, donc, c'était des conditions vraiment atroces. Alors que dire d'avant ? Mais j'ai directement pensé aux représentations symboliques, et notamment religieuses ou encore... je dirais même spirituel. Donc, j'ai pensé que c'était dans l'ordre du symbolique. Et vous avez fait mention par rapport à la religion, par rapport à la spiritualité. Donc, je me disais que le souterrain, c'est un petit peu un retour en soi. Et comme la caverne toujours a fasciné l'homme, et puis après il y a eu des représentations religieuses, etc. Et puis il y a une sorte d'élévation spirituelle, même avant les religions, le fameux mythe de la caverne de Platon. Donc moi je me disais, est-ce que c'est pas plutôt en rapport à ça, et pratiquement je dirais ça n'a aucun rapport avec la mine en soi, voilà. En elle-même, voilà. Oui, oui. Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire, effectivement, c'est une représentation idéalisée, à savoir que le travail des mineurs était très dur, malgré tout. Même si, par rapport au 19e siècle, on n'est pas dans des mines de charbon, donc il n'y a pas de grisou. Il n'y a pas de cette forme de mortalité. Mais il y a d'autres mortalités qui sont liées notamment au fait que les accidents miniers, c'est surtout quand on descend en particulier dans la mine, ou bien des ennoiements de la mine. C'était le gros problème, que ces mines sont extrêmement sont traversées d'humidité et l'eau peut monter très très vite. Il y a beaucoup de mineurs qui sont morts comme ça. La dureté du travail, c'est effectivement un thème que... qui est souvent un peu sous-traité, je trouve, notamment par les archéologues, parce qu'ils sont tellement fascinés par leur objet. On connaît peut-être, vous connaissez Pierre Fluck comme moi, peut-être, non ? Parce qu'il a travaillé sur l'archéologie des mines de Sainte-Marie et il a écrit un livre qui s'appelle « Les mines du rêve ». Et c'est un immense archéologue et un très grand savant, mais il est tellement fasciné par son objet que parfois, lui-même, à son tour, il l'idéalise. Il disait toujours, non, mais il n'y a pas de silicose dans les mines d'argent, parce que pas avant le début du XVIIe siècle, parce que c'est seulement au début du XVIIe siècle qu'on va utiliser la poudre. Et c'est la poudre qui est particulièrement redoutable, effectivement, pour les poumons des mineurs. Mais quand même, c'était des endroits d'une pollution absolument phénoménale, notamment à cause du travail métallurgique, à cause des émanations de cyanure en particulier qui faisaient que les gens ne vivaient pas très très longtemps dans ces régions-là. Et puis, même des gens comme Agricola sont conscients de la pollution monstrueuse que génèrent ces activités-là. Donc oui, un travail très dangereux, même si c'est associé à une très grande fierté du travail du mineur, fierté liée à son expertise et à son grand savoir-faire. Ce sont vraiment des savoir-faire spécifiques qui font aussi que le mineur, notamment dans ces mines d'argent, il peut engager un rapport de force avec son employeur, parce que au fond, cette expertise, elle n'est pas fréquente. Du coup, ils voyagent beaucoup, les mineurs. Ils migrent beaucoup d'une zone à une autre, et quand les conditions leur vont pas, ils s'en vont. Donc, voilà, c'est quelque chose de contrasté, mais la dureté du travail, ça, c'est sûr, personne ne la conteste. Et puis, je suis une mauvaise intervenante parce que je fais des réponses trop longues sur la question, effectivement, du symbolisme. Bien sûr, et d'ailleurs, je travaille sur bien d'autres aspects que l'aspect minier. Et comme vous l'avez dit, je travaille sur la naissance de la spéléologie au XVIe siècle, sur la naissance, enfin sur la fascination pour les catacombes, etc., etc. Tous ces endroits. Au fond, le XVIe siècle, c'est le moment où on va multiplier les expériences du sous-sol. Bonjour, merci pour votre intervention. J'avais des questions, vous avez beaucoup abordé tout ce qui est plutôt le travail du coup minier, mais on sait aussi qu'il y avait des habitations ou des formes d'habitat. Est-ce que ces images-là, que ce soit les maisons troglodytes ou les caves ou peu importe, ont aussi connu une nouvelle vision au fil des ans? Alors vous parlez de l'habitat souterrain, pas de l'habitat minier, fait d'habiter le sous-sol. Alors, je n'ai pas trouvé beaucoup de représentations, mais c'est vrai qu'il est très important. Au fond, ça c'est l'archéologie qui nous renseigne, mais elle s'est beaucoup développée, elle est assez récente cette archéologie des sous-sols, ça doit dater d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller voir l'exposition Monde souterrain au Louvre-Lens, vous ne verrez pas d'habitat souterrain, mais un petit peu, une petite réflexion. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de cavernes et de cavernes platoniciennes dans cette exposition. Mais c'est vrai, oui, il y a un énorme, notamment dans le nord, dans la Somme, avec des habitats, un habitat souterrain d'abri de la population, qui est assez important et même relié les uns aux autres. Il y a des véritables mini-villes. Et puis dans le sud-ouest, on trouve des abris, mais de façon plus ponctuelle. Et effectivement, ce sont des abris. C'est un habitat souterrain d'abris. Ensuite, vous avez la question effectivement de l'habitat troglodyte, qui est une autre question. Et puis en Italie, vous avez des villes souterraines, des villes sous la ville, qui commencent à fasciner les observateurs. Et on commence à voir des textes dessus. Je voulais rebondir sur la question de l'habitat souterrain et plutôt, en fait, est-ce qu'on a une évolution du souterrain de la ville qui est équivalent au souterrain minier ou pas? Est-ce que c'est mieux vu, moins bien vu? Est-ce qu'on voit une corrélation entre les deux ou c'est deux choses qui sont séparées, monde rural, monde urbain? J'étais juste curieuse, en fait. Il y a des traces dans les textes, mais j'avoue qu'il n'y a pas de... Alors, pour l'Italie, on trouve effectivement l'idée dans des lieux très particuliers comme Rome, des textes qui parlent de Rome souterraine, hein, Roma sotterranea. En France, je trouve pas l'équivalent. On trouve des petites traces. Moi, j'ai cherché dans les coutumiers, justement, des renseignements sur ces habitats souterrains. On en trouve. On trouve dans les archives notariées la trace de contrats qui montre qu'on est en train de faire creuser des choses. Mais il n'y a pas une prise en charge narrative de ces souterrains. Il n'y a pas vraiment de récit qui dirait qu'on peut vivre sous terre ou on sait vivre sous terre. Pour tout ce qui est cave ou ces choses-là, est-ce qu'il y a un visuel, un narratif qui est similaire ou bien c'est artificialisé, c'est dans la ville, c'est pas très profond, c'est équivalent? Est-ce que le souterrain, c'est vraiment sous terre ou est-ce que c'est vraiment, enfin, sous le niveau zéro, sous le niveau le plancher des vaches, en fait, littéralement, ou bien est-ce que c'est vraiment ce qui est profond dans la terre, profond dans la montagne? Alors, il y a une évolution qu'on peut saisir dans les dictionnaires, par exemple, au début du XVIe siècle, l'adjectif souterrain est très rare et c'est plutôt emprunté au latin. Et puis, il va commencer par au XVIIe en particulier, il se diffuse. Et ce qui est frappant, c'est qu'il apparaît vraiment comme milieu au XVIIe siècle, mais pas avant. Et comme espace de communication, surtout. C'est ce qui fait la transition avec le sous-sol. On parle de communication souterraine. C'est vraiment l'espace du passage, de la transition. Parce que justement, j'ai un exemple en tête, c'était à Bamberg en Allemagne, en Bavière. On a vraiment un espèce de... Alors, je ne sais plus si c'est un réseau minier, je ne peux plus vous dire la date, mais on a des caves qui sont vraiment interconnectées entre elles. On a vraiment tout un truc souterrain qu'on avait même oublié jusqu'au jour où une voiture est tombée dedans il y a 50 ans, en fait. Donc il y a vraiment... Et je crois qu'on peut remonter effectivement à la fin du Moyen-Âge, aux premières modernités. Ah bah, oui, et puis d'ailleurs, on peut rester en France, parce que si vous allez à Arras, tout le sous-sol... minier d'Arras, c'est une ville. Et d'ailleurs, ça a été réemployé pendant la Première Guerre mondiale comme abri. Et même, ils se sont servis pour lancer une offensive. Si vous allez visiter la carrière Wellington, les Néo-Zélandais, qui étaient employés comme mineurs, les Océaniens sont employés comme mineurs depuis très longtemps, et pas seulement depuis peu. Ils étaient employés comme mineurs pour, dans l'idée de passer, d'abord ils devaient connecter toutes les mines entre elles et passer derrière les lignes allemandes. Donc c'est plusieurs kilomètres de réseau, hein, c'est faramineux. Donc oui, il y a plusieurs endroits qui sont en Europe où on trouve cette idée de connecter, cette utopie de connecter des réseaux souterrains. Par contre, je ne pense pas qu'on y vive. Hein, c'est vraiment la différence. L'abri, c'est temporaire, on n'y vit pas. Ouais, et puis, il faut dire que c'est rude. À Arras, au mois de février, dans les souterrains. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Je me pose la question, donc vous avez dit qu'il n'y avait pas vraiment de représentation naturaliste des sous-sols. Mais est-ce qu'il y avait du descriptif, enfin des écrits qui étaient donc peut-être plus naturalistes et plus réalistes ? Et à partir de quand, s'il y en a eu, y a-t-il eu des représentations de l'iconographie qui auraient été plus naturalistes de la mine ou du sous-sol ? Voilà, merci. Alors, chez Pline, y a des descriptions succinctes, hein, de pas vraiment de récits d'expériences souterraines. Justement, moi, c'est des choses que je ne trouve qu'au XVIe siècle, mais pas parce qu'il ne les faisait pas, d'ailleurs, probablement, mais parce qu'il ne les écrivait pas. Donc, il faut attendre ce moment de documentation et de multiplication de la documentation au XVIe siècle pour voir effectivement se multiplier ces récits de passages dans le sous-sol. Notamment, là, je parlais de la Roma Sotterranea de Bosio, qui est la personne qui a fait toute cette exploration des catacombes romaines. Mais il y a plein de descriptions très physiques où il dit « Je suis parti, au début j'ai oublié ma lampe et je me suis retrouvé dans le noir, j'ai dû ramper, etc. etc. » Donc il y a toute une description très sensorielle de ce que ça fait de se retrouver dans le sous-sol. Et parfois, on a aussi des sources assez amusantes, puisque les catacombes sont associées au culte des premiers martyrs, qui est diffusé par la réforme catholique à partir de la fin du XVIe siècle. Et le saint patron de ces martyrs anciens, c'est San Filippo Neri. Et dans son procès de canonisation, il y a plein de... Il y a des témoignages, parce que pour être... saint, il faut qu'il y ait des témoignages de miracles. Et donc, il y a des témoignages de personnes qui ont dit « J'étais dans les catacombes, ma lumière s'est éteinte, j'étais perdue, j'ai prié Saint-Philippe et j'ai retrouvé mon chemin. » Mais il y a des scènes de description, de désorientation totale qui sont assez uniques, effectivement. Et vraiment des récits d'expérience de ce que c'est de se retrouver dans le noir, sous la terre, sans aucun moyen de se repérer. Et du coup, la représentation iconographique, éventuellement, plus naturaliste, y en a-t-il eu ? Avant le XVIe siècle, non. Vraiment, il y a un tabou visuel sur le sous-sol. On dit souvent que le cantonal de Kutna-Hora est un des premiers... C'est vraiment la rupture. C'était rapide, c'est même dans d'autres cultures, que ce soit en Asie ou parce que là on est très très centré Europe et Méditerranée, mais... Alors justement, c'est une question compliquée parce qu'évidemment, on est au... j'ai hésité. Est-ce que je mets Potosi ou est-ce que je ne mets pas Potosi? Est-ce que je mets le Pérou ou pas le Pérou? Bien entendu, la mine, c'est un espace connectant par définition. C'est vraiment fascinant pour ça. Les Européens, au moment où ils vont s'emparer, enfin la couronne d'Espagne, lorsqu'elle va s'emparer des mines aztèques, Inca, en l'occurrence, à Potosi, dans un premier temps, ils vont développer toute une iconographie visant à représenter la mine, l'intérieur de la mine, et puis surtout, mais ça c'est une question que je ne peux pas aborder là, mais il va y avoir c'est le grand remplacement des divinités du sous-sol catholique. Enfin, des divinités du sous-sol, Inca par les divinités du sous-sol catholique. Mais bon, ça, on en parlera peut-être une autre fois, mais c'est vrai qu'on a dit que les Européens avaient désacralisé le sous-sol de leur colonie, mais pas du tout. Ils ont remplacé des diables par d'autres. Enfin, ils ont remplacé par leur diable et ou leur patron, leur saint patron. Je pense à Saint-Barthélemy en particulier, à Potosi, le séjour des anciennes Waka, Inca. On aurait pu parler de l'Asie, on aurait pu parler aussi des mines de Macédoine. Mais... Encore une fois, une question très terre-à-terre. Je ne pensais pas être aussi intéressée par les sous-sols, honnêtement. Je viens de le découvrir. La propriété du sous-sol, elle se pose là, par rapport au Moyen-Âge, pas avant, enfin Moyen-Âge, Renaissance, elle se pose quand? Quand est-ce qu'on commence à dire on est propriétaire du sous-sol? Alors, les premiers statues, justement, qui sont toujours excipées, brandies, datent du XIIIe siècle dans le Tyrol. Mais tout l'enjeu, c'est ça. Ça dépend quel minéral. Et notamment, on s'appuie à la Renaissance sur le droit romain pour dire que or et argent, ça relève du souverain. Mais vous pouvez quand même exploiter, mais vous devez payer une taxe. Et donc, c'est tout l'enjeu, c'est la taxe. Parce qu'en fait, le problème, c'est un problème d'équilibre. C'est-à-dire, si vous taxez trop, eh ben, au fond, votre entrepreneur minier, il investit tellement... que ça ne devient pas rentable de payer s'il doit payer en plus la taxe. Donc, les rois de France, parce que là aussi, il y a une spécificité du XVIe siècle, c'est que c'est au XVIe siècle que tous les États et toutes les couronnes se rigidifient leur emprise sur le sous-sol minier, notamment or et argent, mais surtout argent, en l'occurrence. Et donc, là, le roi de France va révolutionner son droit, enfin va réformer son droit minier justement pour affirmer sa propriété sur le sous-sol. Alors il a pas de bol parce qu'il trouve rien, c'est son désespoir. En France, on n'a pas de ressources souterraines à ce moment-là et pour longtemps. Et donc c'est un petit peu le drame. Mais en Europe, les souverains germaniques commencent à mettre en place ce qu'ils appellent la tutelle sur les mines. Et en Bohême aussi, ils mettent la main, ils exproprient les seigneurs locaux qui possédaient les mines. Et justement, l'éclatement des seigneurs, notamment dans la frange occidentale, par chez nous, des seigneurs allemands, est-ce que ça a joué sur le fait qu'ils ont encore pris plus de pouvoir, parce qu'ils sont assez éloignés en fait, de la couronne impériale? Oui, donc, mais en même temps, ils ont demandé leur aide pour pouvoir... ils ont eu besoin de leur alliance et donc de leur promettre un tribut en échange de leur soutien contre les Lorrains qui étaient appuyés par le roi de France. Donc. L'équipe du comité d'histoire régionale vous remercie d'avoir écouté Magic Histoire. Un grand merci à Caroline Callard. À très bientôt sur les plateformes pour de nouveaux épisodes.